La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, les troubles des conduites alimentaires sont nombreux, mais ont tous en commun un retentissement considérable sur la vie et la santé physique et psychique des personnes qui en souffrent. Psychiatrie, métabolisme, génétique, la recherche ne néglige aucune piste pour comprendre les causes et les mécanismes de ces pathologies et bien sûr les meilleurs moyens de soigner les malades. Le dossier de la tête au carré est consacré donc cet après-midi à ces troubles des conduites alimentaires en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et j'attends dès maintenant vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on va parler de l'évolution de notre génome au cœur des cellules. Oui Mathieu, et ce qu'on va dire de notre génome avec notre invité va sûrement venir un peu bouleverser la vision que l'on en a. On va voir entre autres qu'il est beaucoup plus changeant que ce que l'on pense. On voit ça dans un instant et c'est Frédéric Milano qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Et les troubles des conduites alimentaires, on en parle donc cet après-midi avec mes invités que je salue, la pédopsychiatre Nathalie Godard et le psychiatre Clément Van Steen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue Nathalie Godard. Est-ce que les troubles alimentaires aujourd'hui sont des maladies de civilisation ou est-ce que finalement l'humanité aurait toujours eu des problèmes avec son rapport à l'alimentation ? L'humanité a toujours mangé et certaines personnes ont toujours exprimé un malaise au travers de l'alimentation. Je pense qu'il y a certains types de troubles qui sont en augmentation effectivement actuellement. Oui, mais est-ce que c'est un phénomène quand même qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui par rapport à ce qu'on sait de la littérature et ce que nous dit la littérature scientifique des décennies, voire des siècles passés ? Il est extrêmement compliqué de vous répondre à cette question puisqu'en fait l'anorexie mentale, elle est connue depuis plusieurs siècles. Relativement stable dans notre société. Mmh. La boulimie n'a été décrite que dans les années 80 et l'hyperphagie boulimique il y a à peine une dizaine d'années. Donc on peut pas parler d'évolution. Ce que l'on sait, c'est que l'on prend conscience que par exemple l'hyperphagie boulimique est extrêmement fréquente et que c'est un trouble très négligé jusqu'à présent. On va en parler parce que c'est peut-être le moins connu des trois que vous venez de nous citer. D'ailleurs, vous venez d'en citer trois. Est-ce que ce sont les principaux ? Est-ce qu'il y en a d'autres dans ce spectre assez large quand même ? En fait, nous sommes en permanente évolution de définition et de conceptualisation de ces troubles. Ce qui fait qu'il y a des catégories qui apparaissent, en particulier pour les enfants, ou des catégories qui sont en prédéfinition, parce qu'on affine notre perception des choses. Clément Van Steen, est-ce que la multiplication des régimes, les scandales sanitaires à répétition, les injonctions en tout genre favorisent justement ces troubles de l'alimentation aujourd'hui ? Parce qu'il y a un contexte quand même très particulier. Hein. Alors, effectivement, il serait difficile de ne pas percevoir qu'il y a une focalisation toute particulière dans l'époque que nous traversons sur ce qu'est le bien manger, le manger sain, le manger comme il faut pour être heureux, survivre le plus longtemps possible et dans le meilleur état. Et donc, on peut dire que c'est un terreau qui peut faciliter l'éclosion de certaines focalisations qui sont au sens de certains cliniciens excessives, c'est comme ça qu'on a décrit certaines entités comme l'orthorexie, avec divers types de sélectivité alimentaire, de focalisation sur la sphère alimentaire, qui serait comme ça synonyme de mort précoce, de malheur, de mal-être, qui du coup nous semble effectivement, voilà, il y a quelque chose de contextuel qui rend notre métier un peu plus particulier qu'il le était au préalable, mais probablement, comme l'a dit Madame Godard, de tout temps, il y a eu des soucis en lien avec l'alimentation, car l'alimentation est nécessaire à la survie. Et l'anorexie mentale est une maladie décrite depuis des siècles, avec certains contextes à certains moments qui permettent cette description clinique. Ouais. Donc gardons-nous de conclusions hâtives sur l'actualité d'une maladie qui, semble-t-il, occupe l'humanité depuis très longtemps. Alors, on va y revenir évidemment dans un instant ensemble, avec le volet addictologie aussi, puisque vous le prenez en charge aussi à travers ce service dans lequel vous travaillez, Clément Van Steen. Et puis, les questions des auditeurs qui nous rejoignent, vous y répondrez bien sûr dans un instant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À tout de suite. Et aujourd'hui, Héloïse, à la Une de la Science, on s'intéresse à notre patrimoine génétique qui ne serait pas en fait strictement le même dans toutes nos cellules. Et non, Mathieu, on serait en fait une sorte de mosaïque génétique d'après une récente étude qui vient de paraître dans la revue Science. Et grâce à cette étude, on approche un peu mieux le processus de cancérisation que l'on sait déjà lié à l'accumulation de mutations génétiques. Pour en parler, nous sommes avec Dominique Stoppa-Lyonnais. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur de génétique à l'Université Paris-Descartes et responsable du service génétique de l'Institut Curie. Alors, qu'est-ce que montre ce travail ? L'expression mosaïque génétique, c'est quelque chose qui vous convient comme image ? Alors oui, c'est assez juste. Je dirais que c'est pas complètement nouveau, mais les techniques mises en œuvre nous permettent de mieux approcher, mieux quantifier la situation. Peut-être quelques éléments sur l'étude. C'est une étude qui a porté sur 500 personnes et sur 29 tissus de ces personnes, la peau, la muqueuse de l'œsophage, du poumon, du côlon, etc. Et des personnes qui sont en bon état général, sur des tissus sains. Et on a pu, par des approches de séquençage très haut débit, on en reparlera peut-être, et bien montrer que dans ces tissus sains, il y a un contingent de cellules qui est le siège de variants génétiques, de mutations qui ont été acquises au cours des divisions cellulaires avec l'exposition aux agents mutagènes. Voilà. Et donc c'est à la fois, je dirais que c'est pas tant une surprise parce que d'un point de vue théorique on s'y attendait, mais la capacité qu'on a maintenant de séquencer nous permet de le voir. Donc on a la confirmation là finalement. Exactement. Alors c'est pas une surprise pour vous, mais on peut penser ça un peu étonnant parce que nous on a l'idée qu'on a un patrimoine génétique, un code génétique fixe, hérité de notre père et notre mère. C'est plus subtil que ça en fait. Alors c'est un peu plus subtil, mais il n'en demeure pas vrai. Il faut quand même rester les pieds sur terre. Et notre patrimoine génétique est assez solide l'essentiel de nos cellules, plusieurs milliards, 30 milliards de cellules. À un patrimoine qui est issu de nos gamètes. Mais il est vrai que dans chaque cellule, il peut y avoir des variations, des modifications qui, lors des cellules suivantes, lors des divisions cellulaires suivantes, ne seront pas forcément retenues. Et je résume les choses en disant que finalement, les noyaux de nos cellules font un peu des variations sur la partition qu'on représenterait leur génome. Et alors, d'où viennent ces modifications ? Alors, tout simplement parce que nous passons notre temps, nos cellules passent leur temps à diviser nos 3 milliards de paires de bases, donc qui constituent notre ADN. Nos systèmes biologiques sont magnifiques, mais parfois l'ADN polymérase fait quelques erreurs. Et donc on a des systèmes de réparation qui sont là, mais qui ne sont pas non plus parfaits. Ensuite, on expose notre organisme à des agents mutagènes. Tout ce que l'on fume, tout ce que l'on boit, c'est pas bon du tout. Et donc, il y a une accumulation d'altérations génétiques. Et cette étude a montré une corrélation dans les tissus sains, entre l'exposition à certains agents mutagènes, entre aussi le vieillissement des cellules. Plus nous vieillissons, plus nous accumulons dans nos cellules des altérations. C'est d'ailleurs pour ça que le cancer est surtout une maladie des personnes âgées. Voilà. Le cancer est une chose, mais on peut dire que dans la plupart des cas, ça n'a pas de conséquences sur notre santé, ce bouillonnement. Alors, effectivement, il faut, je dirais, regarder, ne pas s'inquiéter. Donc, dans cette étude, il a été montré quand même que dans les tissus sains, dans 95% des personnes, il y avait des sous-clones cellulaires avec des variations de la norme. Et puis, dans un tiers des cas, les gènes qui sont concernés sont des gènes de la cancérogénèse. Et en fait, on met à partir de cette étude, qui donc permet de regarder du tissu normal, un pied dans la compréhension de la cancérogénèse. Alors, juste peut-être une chose pour mes collègues, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On sait que la transformation d'une cellule, c'est l'accumulation d'altérations génétiques ou épigénétiques. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, même si c'est pas très nouveau, du processus de cancérisation ? Je dirais qu'aujourd'hui, ça ne nous apprend vraiment rien de nouveau, mais ça nous donne des outils pour mieux comprendre la transformation cellulaire. Ça peut aussi nous donner des marqueurs pour une personne donnée, de savoir est-ce qu'elle est plus encline à accumuler des altérations qu'une autre. Et j'imagine déjà un test de prédisposition. Mais ça interroge aussi sur le normal. Est-ce que finalement, vraiment ces tissus avec ces modifications, est-ce qu'on est là dans la pathologie ou est-ce qu'on est dans le normal ? Justement, voilà. Le processus qui peut mener au cancer, est-ce que c'est justement lorsque ces cellules ont tendance à trop jouer leur partition de leur côté et à faire un peu ce qu'elles veulent ? Pour reprendre votre image, parce que on a bien compris grâce à ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand la cellule, en fait, a eu la mauvaise idée d'avoir des mutations dans des gènes qui ont un rôle dans le contrôle de la division cellulaire, dans sa différenciation. À ce moment-là, il peut y avoir donc des variations, des mutations qui donnent un avantage sélectif à cette cellule-là par rapport aux autres. Et si cette cellule acquiert un autre événement qui donne un autre avantage sélectif, eh bien, il y a une transformation pas à pas de la cellule normale en cellule tumorale. Et si on sort du contexte pathologique, est-ce que cette versatilité de notre génome, on en tire un intérêt au quotidien ? Alors oui, oui. Et nous sommes des mosaïques, on le savait. Et ça peut être très utile physiologiquement. Heureusement que notre génome n'est pas tout à fait fidèle, enfin plutôt que nos systèmes de réparation, de réplication de l'ADN ne sont pas fidèles. C'est grâce justement à cette versatilité, pour reprendre votre mot, votre expression, que notre système immunitaire est capable de générer un très grand nombre d'anticorps et par là de répondre à l'ensemble des agents pathogènes et de trouver anticorps à son pied. Voilà. Donc il faut de la variabilité. Il faut de la variabilité. Il faut de la variabilité. Et peut-être un mot sur les techniques qui ont été employées, qui sont des techniques de pointe. C'est très récent de pouvoir avoir. Alors, c'est ce que vous disiez, le séquençage à haut débit. C'est exactement. Le séquençage à haut débit ou Next Generation Sequencing sont des approches enthousiasmantes qui sont la réunion de la biochimie, de la microfluidique et de l'informatique. Mmh. Et ça permet d'étudier maintenant dans nos laboratoires hospitaliers un très grand nombre de gènes chez un très grand nombre de personnes, voir tous les gènes d'une personne, voir le génome entier. Oui. Voilà. Et donc c'est des approches à la fois qualitatives et quantitatives de notre génome. Et alors vous qui travaillez sur la médecine prédictive, est-ce que bientôt on pourra savoir quelles mutations vont potentiellement donner des cancers, ou tout ça relève de la loterie et on ne saura jamais très bien ? Alors déjà, médecine prédictive, c'est un sujet, on sait beaucoup de choses sur les gènes de prédisposition au cancer, on n'a pas là attendu cet article, mais simplement, moi j'ai lu cet article, je me suis dit, tiens, ça pourrait être, on pourrait imaginer un test génétique chez des personnes qui vont très bien, mais on regarde leur taux moyen de mutation dans certains tissus. Est-ce que ce n'est pas un reflet, je dirais, d'une propension à muter ou à ne pas réparer des altérations survenues de façon aléatoire. Et peut-être pour finir, la plupart des gènes de prédisposition au cancer identifiés aujourd'hui sont en fait des gènes impliqués dans la réparation de l'ADN. Et donc, ça peut être un marqueur que de regarder ces... Sauf qu'il y a toute la complexité de l'environnement que vous notiez tout à l'heure, hein, avec ce qu'on fume, ce qu'on boit, l'épigénétique aussi, hein, qui agit sur les cellules. Donc tout ça, on peut pas le prédire à l'avance, au Alors, fond. Hein. Non, on peut pas le prédire, mais on peut le quantifier, parce qu'il y a une chose formidable, c'est que la nature même des altérations génétiques induites par l'environnement est assez spécifique. On sait que l'UV va donner tel type d'altération génétique. L'exposition à certains tabacs, enfin c'est autre chose. L'âge, c'est autre chose. Et donc il y a des signatures mutationnelles qui sont en train d'être développées. Bon, bah c'est passionnant tout ça, effectivement. Alors on a appris que nous étions donc des mosaïques. Bah c'est une bonne poétique. Nouvelle. Mais oui, c'est la diversité qu'on aime tant. Merci beaucoup Dominique Stoppa-Lyonnais d'être venu nous en parler. Vous êtes professeur de génétique et Héloïse, on se retrouve demain bien sûr à la Une de la Science. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 63 personnes dont l'analyse d'urine a révélé la présence de glyphosate dans le corps ont porté plainte hier auprès du procureur de Chambéry pour mise en danger de la vie d'autrui. Les prélèvements d'urine auraient montré que toutes les personnes testées avaient donc du glyphosate dans les urines à un taux 12 fois plus élevé que celui qui rend l'eau non potable à la consommation humaine. Selon les associations des Amis de la Terre, Stop OGM 73 et On veut des coquelicots qui organisaient l'opération. Selon ces associations, environ 2000 procès seraient en préparation en France contre le glyphosate et 11 000 dans le monde. C'est un rêve de scientifique presque romantique qui pourrait aboutir lundi prochain. Une fusée de SpaceX va lancer depuis la Floride un satellite équipé d'une voile solaire, une immense toile en polyester réfléchissante. Cette voile sera l'unique moyen de propulsion du satellite qui n'aura besoin ni de moteur ni de carburant. En rebondissant sur la voile, les photons du Soleil lui transféreront leur formidable énergie. Elle restera en orbite autour de la Terre et si tout va bien, gagnera progressivement en altitude grâce à la pression des radiations solaires. Les scientifiques estiment que les voiles solaires pourraient permettre aux satellites d'aller très au-delà de notre système solaire en leur assurant une accélération constante. Et puis enfin, deux femelles gorilles nées aux eaux de Beauval dans le centre de la France vont partir lundi pour le Gabon. Baptisées Mayombe et Kiumba et âgées de 12 et 9 ans, elles devraient être réintroduites dans la forêt équatoriale. Il s'agit selon le zoo de la première réintroduction de ce type et d'un enjeu énorme pour cette espèce classée en danger critique d'extinction. Les gorilles vivront d'abord pendant plusieurs mois sur une île du parc national des Plateaux Batéké à l'est du Gabon. Elles devront ensuite être rejointes par un gorille venu d'Angleterre. Les animaux seront ensuite relâchés aux confins des frontières congolaises. Allez, on parle des troubles et des conduites alimentaires dans un instant. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore? On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? La nuit, je mens. Alain Bachung à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Les troubles des conduites alimentaires, c'est donc le dossier cet après-midi en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale qui publie donc son nouveau numéro d'ailleurs de recherche et santé en ligne. Vous pouvez le trouver si vous êtes intéressé par le sujet en allant sur frm.org. Et Nathalie Godard, vous êtes justement la marraine de ce numéro. Vous êtes pédopsychiatre et professeur de pédopsychiatrie à la Fondation Santé des étudiants de France. C'est à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous êtes également chercheur INSERM dans l'équipe de Bruno Falissard. Et puis Clément Van Steen, vous êtes psychiatre et addictologue à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, c'est au sein de l'hôpital Sainte-Anne. Et vous avez également participé à un ouvrage collectif, Les jeunes face à l'alcool, aux éditions RS, qui est paru en mai dernier. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors, de l'actualité, il y en a également, il va y en avoir d'ailleurs à la rentrée, autour de ce thème des conduites, des troubles alimentaires. En septembre prochain aura lieu le congrès européen sur les TCA, qui s'appelle le CED, c'est comme ça qu'on le prononce. Et puis les recommandations également de prise en charge de la Haute Autorité de Santé sur l'anorexie et la boulimie qui vont sortir... Sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Voilà. Et pas l'anorexie ? Non, l'anorexie, ça a été fait en 2010. Ouais. Et il y avait un gros manque, parce que c'est une spécificité française de ne pas avoir fait tous les troubles des conduites alimentaires, et on complémente 10 ans plus tard. Voilà, donc ça sera début septembre, a priori. Cette actualité, qu'est-ce qu'elle va finalement apporter à ces questions, Nathalie Godard ? C'est un moment d'échange aussi pour que les chercheurs puissent se retrouver, les scientifiques, pour en discuter ? Alors, je pense que c'est un événement important parce que c'est la première fois qu'un congrès européen sur cette thématique est organisé à Paris. Mmh. Ça permet aux Français d'avoir une ouverture et une fenêtre sur ce qui se passe en Europe globalement et à l'inverse que les Européens voient un peu ce qu'on a pu développer. Et la particularité du travail en France, c'est tout un travail en réseau collaboratif et multidisciplinaire qui est vraiment notre particularité. Mmh. Et l'autre élément important, c'est que la parution de ces recommandations, je pense, vont guider les professionnels pour aider à trouver de meilleures solutions pour les patients. C'est important, Clément Weinstein, justement, de partager, de se rencontrer aussi entre scientifiques pour faire avancer, bien sûr, les problématiques. Alors, c'est essentiel, c'est incontournable pour plusieurs raisons. À mon sens, la première, c'est que pour s'occuper de pathologies telles que les troubles alimentaires, il faut avoir une approche très globale à la fois de la médecine, de la psychiatrie, de la nutrition. Mmh. Et c'est un travail dantesque pour un seul individu, d'où la nécessité de pouvoir s'appuyer sur certains de nos collègues. En particulier dans les moments où la prise en charge devient compliquée, où l'alliance avec le patient commence à se fragiliser, hein, de pouvoir travailler en équipe, mmh, se passer un peu le relais pour soulager la pression, c'est bien aussi. Et puis, ce qui a été évoqué dans le cadre, ce qui va être évoqué dans le cadre du congrès à venir, c'est aussi de la nécessité de travailler ensemble pour comprendre cette pathologie de manière beaucoup plus globale, à la fois en termes d'étiologie, mais aussi en termes de conséquences et de recommandations de prise en charge, puisque en fait beaucoup de praticiens sont perdus, y compris des spécialistes, avec certains types de patients qui ne correspondent pas tout à fait à cette grille de compréhension très rigide, mmh, finalement, avec laquelle on est obligé de jouer au quotidien, qui est nécessaire pour plein de raisons, bien, mmh, évidemment, mais qui possède aussi ses limites. Oui, justement, Nathalie Godard, on arrive à classer donc assez clairement aujourd'hui ces troubles des conduites alimentaires, hein, les TCA, c'est comme ça qu'on les appelle, on va les nommer comme ça également pendant l'émission. Oui. Donc on arrive à avoir cette grille quand même aujourd'hui. Alors, très claire. Je pense qu'elle a un sens important par rapport à la thérapeutique, puisque vous avez des troubles qu'on appelle restrictifs autour de l'anorexie mentale qui vont entraîner une dénutrition et des troubles qui sont plus autour de l'hyperconsommation comme la boulimie ou l'hyperphagie, mmh, boulimique, et où la dangerosité peut venir en termes de conséquences de santé autour des conduites qui sont associées ou autour du surpoids qui est associé. Et donc cette catégorisation en trois grosses entités permet de développer des soins adaptés. Néanmoins, on commence à avoir aussi un modèle de compréhension en termes de continuité de ces troubles et en termes de à quoi est-ce qu'ils sont utiles à l'individu. C'est-à-dire que finalement, ils ont un lien extrêmement important avec la régulation émotionnelle et avec tout ce que l'on peut être et notre positionnement dans la société. Ouais. Ce qui fait que la recherche est en train aussi de prendre des tours qui font qu'on commence à voir ces troubles dans une version unitaire et aussi à comprendre que certains patients vont passer d'un moment à l'autre, d'une forme à l'autre de troubles des conduites alimentaires. Mmh. Et ce qui, pour les soigner, est aussi important, puisqu'en fait, on peut avoir les conséquences d'une anorexie ancienne et les complications d'un surpoids actuel. Alors justement, on a un message, un des tout premiers, hein, qui est arrivé au standard, sur les mails de La Tête au Carré. C'est Pierre qui nous dit ceci. Il existe une façon très efficace pour atténuer et souvent faire disparaître un TCA. Il s'agit de la régulation émotionnelle, écrit-il. J'ai plusieurs cas de disparition totale en un ou deux rendez-vous, dont plusieurs spectaculaires. Alors là, il faut peut-être prendre un petit peu de distance, non ? Ou être mesuré par rapport aux propos sur ces façons très efficaces de procéder, non ? De la nécessité de se comprendre mieux et d'arriver à réguler ses émotions pour pouvoir soigner cette maladie et progresser vers la guérison, je crois que l'un comme l'autre, on sera complètement d'accord. Absolument. En revanche, sur l'espèce, on pourrait dire la thérapie en un coup, ça je suis beaucoup plus circonspect, mm-hmm, puisque en tout cas, en ce qui me concerne au quotidien, je considère que le traitement des troubles alimentaires, c'est un travail de longue haleine d'abord et avant tout. Mais c'est quoi la régulation émotionnelle, Nathalie Godard, pour qu'on comprenne quand même comment on peut l'utiliser dans les cas des troubles de conduite alimentaire? Je pense que chacun d'entre nous a affaire à ses émotions au quotidien et puis apprend à les gérer. Pour certains d'entre nous, cette gestion des émotions, en particulier négatives, est particulièrement difficile et on développe des stratégies pour essayer de se sentir mieux. On peut parler d'essayer, on va faire un parallèle avec l'équilibre biologique de l'individu. On a ce qu'on appelle une homéostasie sur le plan biologique, mais on l'a aussi sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il y a un état où on se sent bien. Et certaines situations vont nous mettre mal à l'aise. Certains vont aller faire du sport, par exemple, ils vont se sentir mieux. D'autres vont lire un livre, d'autres vont faire différentes choses. Et puis, certaines personnes qui sont en grande difficulté vont trouver un moyen de se soulager autour de l'alimentation. Soit en arrêtant de manger, soit en mangeant trop. Et là, c'est un piège, puisque là, on va pouvoir parler d'addiction, ils vont rentrer dans un phénomène potentiellement addictif. Et ce qui leur sert pour se soulager, pour les aider, devient un problème et cause à son tour des problèmes. Clément Hansen, on a des chiffres précis sur la prévalence justement de ces troubles en France en particulier, parce que ça concerne beaucoup de monde quand même, non? Alors, si on raisonne en termes de population générale, Avant de se pencher sur des chiffres précis globaux, ce qui frappe, c'est que c'est une maladie à prédominance féminine, quand même. Très nettement, puisqu'on est entre 8 et 9 femmes pour 1 à 2 hommes. Ouais. Si on parle d'anorexie, mais attention, parce que ce gradient change en fonction du type de pathologie. Voilà, un gradient qui, effectivement, peut baisser quand on considère les deux autres types de troubles qui ont été abordés. Ensuite, en termes de proportion de la population générale, on est situé aux alentours de 1,5%, mais je pense que épidémiologiquement, on reste encore très, très en difficulté pour évaluer la proportion de patients qui souffrent de troubles alimentaires. On a une perception partielle. La question, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher ces données, et ça commence par des individus qui considèrent qu'ils ont un trouble. Nathalie Godard, il y a des chiffres dans le dossier justement de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tu citais les chiffres de l'anorexie, effectivement. Ouais. Pour la boulimie, les chiffres sont un peu plus élevés. Et puis pour l'hyperphagie boulimique, ça peut toucher jusqu'à 3 à 5% de la population. Ce qui fait que quand on a des chiffres larges et qu'on considère les troubles très sévères et les troubles moins sévères, on peut arriver jusqu'à 10% des jeunes en particulier. Oui. Donc il faut vraiment être très attentif. Alors une population plutôt jeune d'ailleurs, ou finalement on rencontre ces troubles à tous les âges de la vie? Alors le pic de fréquence de début de ces troubles, c'est l'adolescence et le jeune adulte. Mais ils peuvent durer pendant des années ou débuter beaucoup plus tard, ce qui fait que nombre d'adultes sont touchés par ces troubles. Un message de Catherine qui nous dit: ma fille de 21 ans est anorexique depuis 6 ans et nous habitons La Rochelle. Et il y a encore une fois encore une injustice des soins, car il y a des services spécialisés et des groupes de parole pour les accompagnants dans les grandes villes telles que Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille. En dehors de cela, rien du tout, dit-elle. Ça, c'est un gros problème sur la carte française, Nathalie Godard, tout simplement. Il y a une grande difficulté pour laquelle notre association FFAB essaie de militer, c'est-à-dire de développer une égalité d'accès, puisqu'il y a énormément de régions où il n'y a pas de centres spécialisés et pas de gens formés pour traiter les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Oui, donc il faut faire en sorte d'ouvrir plus de services dans la mesure du possible. Oui, absolument, et de former surtout des gens, de former beaucoup plus les soins de recours, de premier recours, à la connaissance, au repérage, et développer des approches spécialisées. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en décrivant en détail justement ces trois troubles en particulier que vous avez décrits tout à l'heure, et puis bien sûr vous répondez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent. Troisième, Bloody Mary, ce soir l'alcool te fait sourire. Et nous ne connaissons à peine. Ta lèvre supérieure s'agite et brûle dans mon cœur l'envie de redresser les ailes. Là où je vis, là-haut, je ne vois plus le ciel depuis qu'une ombre a traversé mon nid. Mais j'aime quand tu souris. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Tu parles d'une histoire avec un homme. Faisait sourdre ta vingtaine, mais il a trahi ton corps en voulant coupler son plaisir à d'autres chaleurs que la tienne. exhume ma rupture avec une encre qui fit de moi cette plume frêle. J'ai perdu trop de temps, brisé mon âme de regret. Ce soir vas-tu être ma reine? Car moi, je te regarde, et dans tes yeux, je vois la lumière d'un refrain. Et tu te loges sur mon lit, et tu te plains de cette vie. Tu me souris, car ça va mieux ce soir, tu dis. Et moi, je te regarde, et dans le blond de tes cheveux, je mets la main. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Là où je vis, Mao, je ne vois plus le ciel depuis. Une ombre a traversé mon nid. Mais j'aime quand tu souris. Et c'était Baptiste W. Hamon avec Bloody Mary. La tête au carré. Sur France Inter. Anorexia takes over all of you. L'anorexie te prend tout entière, totalement. C'est comme être immergé. Tu t'immerges dans quelque chose qui prend tout ce que tu possèdes. Rien n'est laissé intact. On peut dire qu'elle a pris mon travail, ma pratique artistique. Elle l'a kidnappé. Je me sentais forcée d'utiliser ma pratique artistique pour l'exprimer. Je n'avais pas le choix. Je n'avais rien d'autre à dire parce que j'étais complètement immergée. Elle vole tout. Elle vole tes amis, tes relations, ta santé, tout. Elle est avide. L'anorexie est incroyablement avide. Voilà, c'est extrait d'un film scientifique présenté comme cela qui s'appelle Chère anorexie de Judith Dupasquier qui était sorti en 2016. Nathalie Godard, vous avez vu ce film, oui. Hein, et vous l'avez trouvé intéressant dans le traitement justement de ces troubles? Je le trouve très intéressant parce qu'en fait il rapporte un ensemble de témoignages à la fois de patients et de différentes équipes européennes qui en parlent. Oui. Alors l'anorexie, on peut peut-être la caractériser hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le premier de ces troubles du comportement alimentaire. Tout dépend ce qu'on appelle le premier. Historiquement. Historiquement, on le disait tout à l'heure, le plus ancien. Ouais. En termes de préoccupation médicale, il n'y a pas trop de doutes sur le sujet. D'ailleurs, au détriment des autres troubles alimentaires. Après, en termes de fréquence, comme Nathalie Godard le signalait tout à l'heure, c'est probablement pas le plus fréquent. 1,2% des femmes, c'est ça. 0,25% des hommes. Et dans plus de 80% des cas, les personnes atteintes sont des femmes, donc avec un pic de fréquence au moment de l'adolescence. Alors, l'entrée dans la maladie se fait effectivement à ce moment-là. Alors, ce qu'on considère comme étant l'entrée dans la maladie, c'est le moment où finalement l'entourage, le corps médical éventuellement va pouvoir commencer à s'inquiéter pour ces patientes, avec des troubles qui ont pu évoluer à bas bruit un petit peu avant. Mais il y a vraiment ces deux pics de fréquence. C'est aussi ce qui fait l'une des grandes différences entre ce qu'on connaît de l'anorexie mentale et ce qu'on connaît de la boulimie nerveuse, qui a priori, elle, a tendance à s'exprimer un peu plus tard, ou en tout cas est détecté plus tardivement. Nathalie Godard, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur les causes justement de l'anorexie? Est-ce qu'on a réussi quand même à brosser un tableau plus clair de la façon dont ça intervient, ça surgit dans la vie donc beaucoup des jeunes femmes? Alors, en psychiatrie, on travaille avec des modèles. Et ces modèles, maintenant, sont multifactoriels. Ce sont des modèles avec des trajectoires de vulnérabilité qui se constituent, des événements potentiellement déclenchants et des événements pérennisants. Et il y a différentes composantes. Il y a des composantes individuelles, des composantes de société. Et c'est l'interaction entre ce qu'est... On évoquait la génétique, le patrimoine génétique de l'individu, son histoire développementale, des stress, des agressions potentiellement. Donc c'est là qu'il peut y avoir des prédispositions. Absolument, déjà chez c'est ce que j'appelle la trajectoire de vulnérabilité qui peut exister et qui, à la faveur de la rencontre avec des événements de vie ou des événements comme le début d'une dépression risque de précipiter le sujet vers un comportement qui est un comportement de restriction alimentaire qui vient soulager, on ne sait pas encore pourquoi exactement, le sujet, qui va donc s'engager dans ce comportement de manière répétitive. Et le comportement, comme on le disait tout à l'heure autour du modèle addictif, vient lui-même apporter des complications ou des difficultés et le tableau de la maladie s'installe. Donc une prédisposition, c'est-à-dire que ça peut pas du tout se déclarer tout au long de la vie, et puis il suffit d'un facteur déclenchant pour que là, ça intervienne chez les personnes. Oui, absolument. Facteur déclenchant qui peut être un événement de vie extérieur ou un événement interne, avec, par exemple, on sait qu'il y a des personnes qui vont déclencher ces troubles à la faveur du début d'une dépression. Ce n'est pas tout le monde, mais certains vont le faire. Et puis d'autres se trouvent à débuter à la faveur d'un événement intercurrent. Je me souviens d'une patiente qui s'était fait opérer de la mâchoire et qui, par conséquence, ne pouvait pas s'alimenter de manière extrêmement importante. Elle s'alimentait à la paille. Elle a perdu beaucoup de poids et l'engrenage a commencé et elle est rentrée dans l'anorexie. Donc les modes d'entrée sont très variables aussi. Clément Fontaine, comment on prend en charge justement les personnes anorexiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait ses preuves, si on peut dire les choses comme ça? Alors, ce qui a fait ses preuves, c'est d'abord un accompagnement centré sur l'alimentation, puisque c'est quand même de l'alimentation dont il s'agit au départ dans cette maladie. L'accompagnement psychologique, lui aussi, semble avoir fait ses preuves. Ce qu'on sait, en tout cas le plus clairement, c'est que la prise en charge globale familiale à l'adolescence est probablement quelque chose de très payant. Et s'il y a un traitement qui a fait preuve de son efficacité, c'est celui-là. Au-delà de toutes les molécules qu'on peut imaginer. C'est quoi? C'est l'entourage vraiment dans le soutien, la présence de la famille? En fait, le message clé à retenir dans l'intérêt de cette prise en charge familiale, c'est que c'est une maladie qui touche non seulement les patientes, mais aussi leur entourage. Et que cet entourage, s'il n'est certainement pas la cause de la maladie, va lui être en contact avec les symptômes de la maladie et va être partie de la solution quelque part. C'est ça, la philosophie de la prise en charge familiale. Mais comment on travaille justement sur le rapport à l'alimentation? Parce que c'est tout le problème, quand dans ce rejet très très violent qui peut exister. Comment est-ce qu'on se réapproprie justement un lien avec ce qu'il y a dans son assiette? Alors, le lien plaisir va certainement être le dernier à revenir. J'imagine, oui. Et le premier, il va s'appuyer sur un équilibre qui va s'établir dans les soins entre le besoin de la patiente et les contraintes qu'on va devoir poser. C'est-à-dire quelqu'un qui va réussir à travailler avec une diététicienne qui va le guider pas à pas et va réussir à reprendre spontanément une alimentation, va se réalimenter progressivement de manière volontaire. Et quelqu'un qui va mettre sa vie en danger va devoir passer par une phase où l'alimentation va peut-être passer par une alimentation contrainte et apportée par l'extérieur. Clément Van Steen. Alors, c'est effectivement dans cette prise en charge on va dire, d'aspects très nutritionnels que viennent justement jouer les psychologues et les psychiatres. Puisque le rapport à l'alimentation est pathologique chez nos patientes et il s'agit effectivement de voir comment comportementalement on peut leur proposer quelque chose qui est de l'ordre d'un programme de, on va dire, quelque part un reconditionnement, quoi, pour arriver à retrouver un rapport à l'alimentation qui ne les mette pas en danger et qui ne vienne pas non plus, on va dire, quelque part les verrouiller aussi sur le plan de la pensée. Puisqu'il y a ça qui est omniprésent dans cette maladie, comme le disait la patiente dans l'extrait que vous avez diffusé, la maladie, elle envahit toute l'existence. Et donc, le tout, c'est d'essayer de voir comment on peut ensemble limiter ce territoire. Et la prise en charge peut durer très longtemps, c'est un parcours parfois très long aussi chez les personnes. La durée moyenne de la maladie, elle est d'un an et demi en population générale et dans les services où on soigne des personnes qui souffrent de troubles graves, en moyenne de 4 ans. Donc ce sont des troubles qui effectivement, s'ils ne sont pas pris en charge très précocement, peuvent durer très longtemps. Plus on les prend en charge précocement, plus on peut agir. Donc il faut repérer les premiers signes et là aussi encore l'entourage est très précieux, évidemment. L'entourage est une ressource thérapeutique et il peut aider à construire ce projet. Puisqu'il faut bien se représenter que quelqu'un qui souffre de troubles des conduites alimentaires peut être complètement pris par son trouble des conduites alimentaires qui lui est utile. Donc y renoncer est quelque chose auquel il ne va pas vouloir dans un premier temps. Zabo sur franceinter.fr nous dit « Quid du microbiote dans les troubles alimentaires? Une modification du microbiote pour une raison ou une autre ne pourrait-elle pas expliquer ces troubles ?» Alors, dans le cas de l'anorexie, il y a des choses très intéressantes autour du microbiote. Alors, les données qui ont été publiées sur le microbiote, c'est qu'effectivement, il y a des perturbations du microbiote dans les troubles des conduites alimentaires. Ouais. Donc, liées directement aux bactéries? Alors, il y a une bactérie qui avait été impliquée, mais ce sont des hypothèses jusqu'à présent. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que quelle est la part de la cause et de la conséquence dans le phénomène. Pour le moment, les gens sont extrêmement prudents et les perturbations de l'alimentation impactent le microbiote. Il y a des recherches qui sont en cours et qui devraient, dans les années à venir, nous apporter des éléments de réponse. Il y a un papier extrêmement intéressant qui lie potentiellement une accroissance de l'anxiété à des perturbations justement de ce microbiote et des mécanismes immunitaires. Mais tout ça, c'est de l'ordre de l'avenir et de la recherche. Donc avec des effets en cascade finalement, dont on ne sait pas très bien où ils commencent et... Absolument, et avec potentiellement une explication des mécanismes de renforcement qu'on observe sur le plan clinique, mais qui pourraient être expliqués par ces phénomènes. Ouais. Allez, autre trouble des conduites alimentaires, c'est la boulimie, on l'a évoqué tout à l'heure, et j'aimerais qu'on écoute ensemble le témoignage de la comédienne Karine Viard. Elle s'exprimait à ce sujet sur le divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. J'ai été boulimique, donc je ne me faisais pas vomir parce que je n'y arrivais pas. Mais justement, j'ai commencé une psychanalyse ou une psychothérapie à cause de ça. Parce que je mangeais beaucoup, j'étais boulimique, quoi. J'avais un rapport à la nourriture qui était complètement tordu. J'ai passé un an de psychothérapie à dire à ma psy à chaque fois que je la voyais tout ce que j'avais mangé. Et puis un jour, je me suis aperçue que ça faisait un petit moment que je ne lui avais plus dit ce que je mangeais, mais que je parlais de mes sentiments et de mes émotions. Et je me suis donc rendu compte que manger comme ça, alors que j'ai toujours eu un franc-parler, en fait, finalement, c'était une façon de tapisser, d'empêcher mes émotions de s'exprimer. Comme j'étais boulimique, j'achetais plus rien, mais j'avais quand même du beurre, de l'huile, donc effectivement, je mangeais du beurre à la petite cuillère, j'avalais des bouteilles d'huile pour me remplir. Donc je comprenais pas ce qui se passait, ça allait très mal, j'ai essayé des thérapies comportementales, ça n'a pas marché, c'est-à-dire comportementales, ça te dit tu dois pas faire ceci, tu dois plutôt faire ceci. Et puis finalement, j'ai rencontré une psychothérapeute que j'ai adorée, et puis avec elle, je me suis guérie. Mais je reste un peu fragile hein, quand même. Si j'ai 2 kilos de trop, je peux avoir envie de me tuer, quoi. Donc il y a un truc qui est quand même assez fragile. Voilà, Karine Viard, il y a beaucoup de choses hein, dans ce témoignage choisi par Frédéric Milano pour cette émission. Clément Van Steen, on peut évidemment le commenter ensemble. Qu'est-ce que vous retenez des propos de Karine Viard, là? La critique des thérapies comportementales. Mais c'est un résumé, somme toute, au vitriol, mais qui n'est pas complètement faux. Il s'agit bien de cela, de définir ensemble des objectifs à atteindre et les moyens qu'on se donne pour y aller. Donc voilà ce qu'il faudrait faire idéalement, et voilà ce qu'il ne faudrait pas faire. Et finalement, comment est-ce qu'on peut ensemble trouver un terrain d'entente là-dessus? Après, tous les patients ne sont pas sensibles à ces approches-là. C'est aussi là qu'est le grand défi, hein, savoir identifier pour quel patient, quel type de thérapeutique. Ensuite, il y a... En tout cas, on entend que le lien avec le thérapeute est absolument fondamental dans la guérison. Hein. Incontournable. Il faut trouver le bon thérapeute. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a souvent dit à ce micro-là, mais pour les personnes qui ont des problèmes, si le thérapeute ne convient pas, il faut en changer tout de suite, parce que ça peut être une perte de temps, Nathalie Godard, incroyable dans le parcours d'une personne. Hein. Alors, tout de suite... Je ne sais pas. Il faut peut-être se donner juste un tout petit peu de temps pour accrocher, parce que parfois on a ses propres résistances qui font qu'on a du mal à accrocher dans un suivi et sur les exigences du suivi. Moi, je trouve que ce témoignage est très intéressant parce qu'elle décrit bien les mécanismes et puis par ailleurs, elle parle bien de comment elle a pu en sortir et comment il lui reste un petit peu des choses. Ouais. Alors, juste une petite nuance parce qu'elle dit que manifestement, elle n'avait pas de stratégie de contrôle de poids. Maintenant, plutôt que de parler de boulimie, c'est là où on parlerait peut-être, je dis peut-être, hein, d'hyperphagie boulimique parce que je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle du fait que les gens qui mangent beaucoup comme ça et qui n'ont pas de stratégie pour contrôler leur poids, eh bien, sont des gens qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Et on différencie ça de la boulimie, puisque les boulimiques, eux, généralement, ont un poids qui est normal et souvent vont avoir recours à des stratégies qui sont dangereuses, comme les vomissements. Et puis, elle parlait beaucoup des émotions, hein, du rôle des émotions. On le disait tout à l'heure, évidemment, Clément Van Steen. Hein. Alors voilà, je pense qu'il est assez parlant dans ce témoignage de constater combien ben, ça agit puissamment sur la régulation émotionnelle. Et je vais vous consoler quelque chose. Moi, en tant que psychiatre, si j'avais des traitements aussi efficaces que peuvent l'être parfois les moments d'hyperphagie ou les moments de restriction pour mes patientes, ben, je serais probablement amené à un destin extraordinaire. Donc voilà, hein, l'idée, c'est quand même qu'effectivement, ces conduites, elles apparaissent sur un terrain de vulnérabilité, mais aussi avec cette sensibilité toute particulière liée aux avantages que cela procure. D'où la difficulté d'arriver à se penser sans ce moyen-là. Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de l'émission sur les troubles des conduites alimentaires et toujours beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. I tend to change my head too much. It has become my ruination. My friend, she keeps on warning much for financial decapitation. On top of that, it's true. people never recognize me. On top of that, she's right, I see. Ain't got no style, I'm nobody. I'm nobody, I'm nobody. I'm nobody, I'm nobody. I'm nobody. C'était Charlotte Adigeri. La tête au carré. Depuis l'adolescence, Cécile souffre d'hyperphagie. Elle mange de manière compulsive. Contrairement aux boulimiques, elle ne se fait pas vomir. Mais comme eux, elle peut ingurgiter des quantités phénoménales de nourriture. Très souvent, moi, les crises se manifestent à la fin du repas. Donc je prends mon dessert et là, plutôt que de m'arrêter comme tout le monde, je vais avoir besoin d'encore plus. Donc je vais manger de la glace et puis aussi bien après, je vais manger de la pizza, puis je vais manger des pâtes avec de la sauce tomate et du gruyère. Et après, j'arrive plus à m'arrêter. Ça peut continuer jusqu'à temps que je m'endorme. Il y a une tension interne, comme quelqu'un qui serait en manque de drogue. C'est une sorte de besoin interne qui s'explique pas ou très mal, et tant qu'on ne l'a pas, on est mal. Et c'est-à-dire que quand on mange, ça crée un soulagement intérieur, c'est un apaisement, c'est bon, ça va mieux, j'ai ma dose. Voilà le témoignage de Cécile, c'était dans Allô Docteur sur France 5, pour parler donc de l'hyperphagie boulimique dans cette émission sur les troubles des conduites alimentaires avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et je vous rappelle donc un dossier qui est disponible depuis aujourd'hui sur Internet, vous pouvez le trouver sur frm.org, c'est le dossier Recherche et Santé dont vous êtes la marraine, Nathalie Godard, et Clément Van Steen est également avec nous. Alors Nathalie Godard, ce qui est étonnant, c'est que cette hyperphagie boulimique, c'est celle qui probablement concerne le plus de Français, et pourtant celle qu'on connaît aussi le moins de noms par rapport à l'anorexie ou à la boulimie. Hein. C'est étonnant quand même. Alors, pendant longtemps, on a confondu l'hyperphagie boulimique avec la boulimie. Ouais. Et puis, c'est l'affinage un petit peu des classifications et des conceptions cliniques qui nous ont fait avancer. Mmh. Je pense que c'est c'est lié au fait que, en fait, les personnes arrivent aux soins souvent pour leur surpoids. Et donc dans un cursus de soins médical et non pas psychique, mmh. et qui sont pris en charge pour ces surpoids, et qu'en fait spontanément ce ne sont pas les équipes psychiatriques qui les voient. Et la disjonction de ces deux filières de soins, je pense, a créé cette situation, et on est en train de se rapprocher, je pense, progressivement pour essayer de trouver quelle pourrait être la meilleure filière de soins pour ces patients. C'est 3 à 5% de la population française, indiquez-vous dans ce dossier. Alors, de la population internationale, parce qu'il n'y a pas d'études en France. Ouais. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis, où vous le savez, il y a beaucoup de situations de surpoids, et donc ces situations sont extrêmement fréquentes. Ouais. Clément Vansen, on entendait dans le témoignage de Cécile tout à l'heure cette analogie avec la drogue, donc il y a une addiction très très forte également, qui est présente dans ce trouble. Mais écoutez, là, l'aspect addictologique, il est assez même aveuglant dans ce qu'elle raconte. Ouais, c'est-à-dire que si on n'avait pas le nom de nourriture, on aurait l'impression d'entendre un usager de substances toxiques classiquement croisées en addictologie. Mmh. Donc, on a des symptômes là qui sont bien décrits, tels que la perte de contrôle, hein, cette impossibilité de s'arrêter au moment où je suis parti, ce shoot, hein, l'anxiolyse, l'effet apaisant qui va être ressenti au moment de la consommation des aliments, et puis les moments où il y a une lutte, quoi, hein, pour essayer de se contrôler, et finalement le moment où on lâche, et puis je pense que si on avait continué à écouter les choses, elle nous aurait parlé de toute cette culpabilité aussi qui accompagne l'après crise de boulimie. Et effectivement, c'est une pathologie qui est probablement très fréquente, et que là, il faut qu'on fasse notre mea culpa. Nous, les psychiatres, connaissons pour l'instant trop peu, puisque effectivement, nos collègues de médecine somatique, en endocrinonutrition, ont été en charge des complications. Mais en réalité, la maladie, elle apparaît plus tardivement. Alors, les messages des auditeurs. André nous dit « J'ai 71 ans, la boulimie est ma seule addiction, contenue tant bien que mal par une pratique assez intensive du sport. J'ai la sensation de transformer mon organisme en machine à éliminer pour ingurgiter encore davantage de nourriture. Et comme un alcoolique, je suis en lutte permanente pour contenir ce travers tenace. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que la pratique du frigo vide. Existe-t-il une solution miracle, entre guillemets, évidemment, nous dit-il, Nathalie Godard, pour lui une répondre. Une solution miracle, ça non. Saurait. Ça saurait. Après, de pouvoir en parler, trouver des solutions en étant aidé, c'est aussi possible, parce qu'il y a des aides, en particulier autour de ce qu'on disait, autour de la régulation émotionnelle, autour des accompagnements psychologiques qui peuvent aider à mieux supporter les choses. Ouais. Claude nous dit « Depuis l'âge de 10-12 ans, je mange exagérément. Aujourd'hui, j'ai à peu près réussi à supprimer les sucreries, mais un problème persiste année après année. Il m'en faut toujours plus pour me sentir rassasié, avec les inconvénients qui vont avec. Ballonnement, transpiration, y a-t-il un moyen de canaliser ces pulsions ?» à toujours vouloir avaler plus. Les mots sont importants dans ces témoignages, Clément Vansen. Oui, effectivement. Donc là, on voit combien il y a cette espèce d'escalade, hein, malgré des tentatives de contrôler les choses et puis une régression partielle. Donc il y a effectivement pas de traitement miracle. Et c'est la combinaison de plusieurs axes thérapeutiques. Pour le coup, c'est vrai que dans la boulimie hyperphagique, on a peut-être un tout petit peu plus de pistes médicamenteuses que dans les autres pathologies dont nous parlions qui émergent. Mais associer ceci effectivement à une prise en charge à la fois comportementale pour aider le patient à finalement redonner du contrôle là-dedans, et puis aussi un accompagnement d'ordre plus psychopathologique, comme on dit, pour comprendre ce qui finalement vient derrière. Mais c'est un travail finalement d'archéologue, où on enlève des strates et on essaye d'accéder à ce qui se passe derrière. Paul nous dit « Ma fille est revenue d'un séjour en Angleterre à l'âge de 16 ans avec une volonté de contrôler son alimentation en excluant les sucres rapides, les sucres lents, les viandes, les sucreries, le chocolat. Par contre, elle se gave jusqu'à avoir des maux de ventre de fruits et de légumes. Âgée de 30 ans, toujours sujette à l'orthorexie, elle est aujourd'hui psychiatre. Elle refuse d'admettre le terme même d'orthorexie. » Nathalie Godard, alors explication quand même sur ce terme. Ce terme d'orthorexie, il vient d'un comportement qui, à l'extrême, cherche à avoir une alimentation qui est de bonne qualité et qui est supposée être... C'est l'obsession du vouloir bien manger. Hein. Absolument, mais on veut tellement bien manger qu'on en mange de manière inadaptée par rapport à nos besoins. Donc ça peut être dangereux pour la santé, même si ce n'est pas un vrai trouble des contenus alimentaires, comme on l'a vu pour d'autres pathologies, ça peut être dangereux aussi. Ouais. Il ne faut pas confondre néanmoins ces particularismes alimentaires avec ces maladies dont on parle. Là, nous, on a parlé de troubles alimentaire. de troubles des conduites alimentaires. Ouais. Et là, on est sur une frange, pour reprendre aussi ce que disait notre collègue autour de la génétique, il y a aussi sur le plan psychologique une frontière entre le normal et le pathologique qui n'est pas toujours facile à identifier. Et ces troubles sont à l'interface des deux et ça ne sont pas forcément des maladies. Ouais. Et puis beaucoup de témoignages sur les agressions psychologiques, les liens entre troubles alimentaires et agressions sexuelles également. Je pense en particulier, nous dit Tobias, aux relations incestueuses que les victimes ne parviennent pas à révéler. Ça, c'est une phase importante aussi de ce que vous rencontrez dans votre pratique, Clément Van Steen. Mais écoutez, les traumatismes, comme ça a été signalé, sont des facteurs de révélation d'une vulnérabilité sous-jacente pour un trouble des conduites alimentaires. Et il semble que parmi les traumatismes les plus intenses font partie du registre que vous évoquez. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je renvoie les auditeurs sur ce dossier donc consacré aux troubles des conduites alimentaires que vous parrainez et que vous marrainez même, on pourrait dire, Nathalie Godard. Il est disponible sur frm.org et puis également ce site si vous souhaitez faire des dons pour aider la recherche dans tous les domaines, parce que c'est un champ extrêmement large et de très très nombreux chercheurs travaillent avec la Fondation pour la Recherche Médicale, frm.org. Merci beaucoup à tous les deux merci à d'être vous. Venus et merci beaucoup aux auditeurs pour les nombreux messages.